puis que tu sois le pape ou que tu sois Saint-Joe-Ticlin, si l'événement arrive, l'événement arrive. Hein? Il y a un bonhomme, à un moment donné, qui posait des tapis puis qui dormait à Sherbrooke dans un hôtel. Ben, il s'est fait descendre. Il y a un autre bonhomme qui s'appelait John Kennedy ou qui s'appelait Robert Kennedy, qui était président des États-Unis ou en instance de le devenir, puis qui s'est fait descendre. Lequel des deux était le plus important? Pas par rapport à l'homme, par rapport à la réalité, par rapport à l'univers. Lequel des deux était le plus important? Par rapport à l'univers? Ouais. Les deux. Ben, les deux étaient les plus importants ou les pas importants pantoute, mais une chose qui est sûre, les deux étaient pareils. Alors, ce qui fait que l'homme détermine lui-même l'importance qu'il a, lui, de lui, puis ça, c'est une gaffe. Alors, ne pas se prendre au sérieux, c'est ne pas détacher d'importance à notre ego, à nous. Ne pas se prendre pour un autre. Ne pas se prendre pour un autre, c'est quoi? C'est ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Puis ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est ne pas se prendre pour le maître incontesté de tout. C'est juste ça. Si t'es pas le maître incontesté de tout, ben tu vas évidemment comprendre que tu peux avoir un accident avec ton char. Tu peux aussi comprendre qu'un gars peut te piler ses pieds. Tu peux aussi comprendre que ton chien se fait battre par le chien du voisin. Parce que t'es pas le maître de tout. Bon. Alors, automatiquement, tu ne te prends pas au sérieux. Mais c'est quelque chose qui est difficilement vivable par l'individu normal parce qu'il a un ego extrêmement puissant, un ego non personnalisé, un ego qui s'exprime par son orgueil, donc qui s'exprime par la gêne, la peur qu'on rit de lui, il est gêné, il a le trac, qui s'exprime par l'inverse, se prouver qu'il n'est pas gêné, donc il est arrogant, qui s'exprime par la peur ou qui s'exprime par le courage, qui s'exprime par tous les phénomènes psychologiques, c'est simplement l'ego qui s'exprime, et c'est toutes des expressions de l'orgueil. Si l'orgueil, c'est un défaut, ben l'humilité, c'est un défaut. Parce que l'humilité d'un individu qui sait qu'il est humble, ben le gars le fait ou la femme le fait parce qu'elle sait que tout le monde trouve qu'il est humble, puis elle aime ça que tout le monde pense qu'il est humble. Fait qu'elle se vante pas. C'est ça. Mais elle est humble, puis elle est modeste, puis elle s'en vante pareil. Bon. Alors, disons que si on revient à la réalité, ben fuir la réalité, il faut bien comprendre que chacun a sa réalité, ce qui fait qu'en partant, tout le monde suit la réalité des autres. Alors, en partant, on fuit toute la réalité. Ou les réalités. Mais le fait que chaque individu a sa propre réalité, ça, ça veut dire que ces réalités-là ne sont que des illusions. C'est-à-dire que ces réalités-là sont relatives. Donc, elles ne sont réelles que d'après l'individu qui les vit. Un individu qui perd un dollar a tout perdu. Un individu qui perd un million de dollars a tout perdu. Chacun vit leur réalité. L'un se suicide et l'autre en rit. Les deux ont leur réalité, mais la réalité, c'est la même. Vous autres, vous êtes tous ici présentement, et puis vous avez tous une idée de ce que ça devrait être ou de ce que c'est la réalité. Mais la réalité ne peut pas être comprise ni perçue par l'homme. Ce que l'on perçoit en réalité, c'est des interprétations de la réalité. Moi, je parle présentement. Les mots ne sont qu'une interprétation de l'énergie qui m'anime, ou on pourrait dire de ma pensée. Ces mots-là, je l'ai, l'énergie, la pensée, elle est transmuée en mots et elle vous est communiquée. Et encore une fois, l'énergie qui rentre en mots par les oreilles et qui est conduite au cerveau sous forme d'impulsion électrique et non plus sous forme de mots, va être réinterprétée par votre cerveau, c'est-à-dire par vos mémoires de ce qu'à chaque mot devrait dire. Et automatiquement, vous avez une idée de mon idée. Mais la réalité, en réalité, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, vous ne le savez pas. On se rapproche, mais on interprète. Vous voyez tous cette couleur jaune-là. Mais cette couleur jaune-là, elle est peut-être rouge pour moi, verte pour un autre, bleu pour un autre, marron pour un autre et jaune pour un autre. Mais étant donné que tout le monde, on appelle l'impulsion électrique qui parvient à notre cerveau en regardant ça, on appelle cette impulsion-là jaune. Ben, quand je vois du rouge, je dis c'est jaune. Quand tu vois du bleu, tu dis c'est jaune. Tout le monde voit peut-être tout complètement différent, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est du jaune. C'est quoi la réalité? C'est beau. Non, c'est laid. Ah, ben chacun a sa réalité. Non, en réalité, c'est. Ce n'est ni beau ni laid, c'est. Alors ça, c'est la réalité. Fuir la réalité, totalement impossible pour l'individu vivant, parce que l'individu vivant L'individu vivant ne peut pas percevoir la réalité. Je regarde ici et je vois le vase. Le vase, ce n'est qu'une impulsion lumineuse qui parvient à mon œil, à ma rétine. Alors, ce qui fait que vos yeux, vous voyez le vase, mais est-ce que vous touchez le vase avec vos yeux? Non, vous le voyez. Vous le touchez avec vos mains. Qu'est-ce que votre cerveau touche? L'impulsion électrique qui lui est amenée par les nerfs sensoriels. C'est ça qu'il touche. Avec un aide visuel, la lumière arrive à mon œil, transportant l'image, c'est transformé en électricité pour aller à mon cerveau, et de là, sous une autre forme d'énergie, pour arriver à ma conscience. Et ma conscience peut être de type physique, l'instinct, vital, l'instinct, astral, psychologique, mental, intellectuel ou supramental, mais j'ai plus besoin, de mes sens physiques, qui sont les tentacules de l'astral, ce que l'astral a construit pour connaître l'extérieur, pour se rassurer. Alors, ce qui fait que la réalité, l'homme ne peut pas la fuir parce que l'homme ne la connaît pas. Par contre, l'homme a une tendance innée à vouloir se rapprocher de la réalité. Et ne pouvant se rapprocher de la réalité, il va l'inventer. Et si toute la communauté invente la même illusion et l'appelle réalité, c'est la réalité. Et si un individu vit en marge de la réalité, il est dans l'illusion selon la normalité de la masse, il est marginal ou il est fou. La réalité, c'est simplement que quand je vous pince, ça vous fait mal. Parce que dans la région du cerveau qui enregistre la douleur, c'est canalisé comme étant une chose qui n'est pas normale. Il y a une parcelle de votre cerveau que toutes les impulsions qui vont là sont décrites comme étant des impulsions mal. Mais si vous avez un problème physique et que les impulsions mâles sont amenées dans la région du cerveau qui dit bien, on vous appelle masochiste. Parce que quand vous vous faites du mal selon notre réalité, vous aimez ça. Donc, vous êtes fou. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes ce que vous êtes. Là est la réalité. Mais l'homme ne peut pas connaître la réalité. Vous avez une interprétation de mon verre. Vous avez une interprétation de moi, de par votre langage visuel, de par votre langage olfactif, votre langage sensoriel au niveau du toucher ou votre langage auditif. Mais l'homme ne connaît pas la réalité. La réalité, c'est pas du domaine de l'homme. L'homme est continuellement perdu parce que l'homme vit dans l'illusion et l'homme est dans l'illusion parce que la réalité, il ne peut pas lui toucher. Il peut s'en rapprocher. Et s'en rapprochant, l'homme psychologique attire à lui de nouvelles formes d'énergie et ces énergies-là sont de l'ordre du mental, ce qui est déjà chez l'homme ou moins l'homme canadien, l'homme occidental, et encore en se rapprochant de la réalité par l'élimination du concept de la réalité, c'est-à-dire par l'élimination de ce que devrait être la réalité pour vous, vous finissez par vous rapprocher de la réalité et vous allez finir par attirer une nouvelle forme d'énergie qui est une énergie supérieure au mental, donc on l'appelle supramental. Mais c'est pas fini. Il reste encore deux autres formes d'énergie à apprivoiser. Et après ça, l'homme va disparaître. L'homme psychologique, l'homme mental, l'homme supramental, l'homme bouddhique, l'homme divin va disparaître. Et cet homme-là va se libérer du contexte du temps. Donc, il sera intemporel, donc immortel. Même s'il a connu une naissance, il ne connaîtra pas de fin, donc il sera immortel. Et cet homme-là, qui ne sera plus un homme, connaîtra la réalité parce qu'il sera réel. Pourquoi l'homme est irréel? Pourquoi l'homme vit dans l'illusion? On dit que tout est illusion. On dit que la matière dure, en réalité, est molle. Ouais, mais tape-toi la tête dedans, tu vas voir si la matière dure est molle. L'illusion, elle n'est pas là. L'illusion, elle est dans le sens que ce que l'on perçoit, on le croit vrai, sans comprendre que ce n'est qu'une interprétation de la réalité. On perçoit que du passé, parce que le temps que la lumière amène l'image à notre œil, ben ce que l'on voit, ce n'est plus ça. Quand on regarde des étoiles qui sont à 15 années-lumière de la Terre, ça veut dire que la lumière qu'ils ont émise a pris 15 ans à la vitesse de la lumière pour arriver à la Terre. Donc, si l'étoile disparaît, ça va nous prendre 15 ans avant qu'on le sache, parce que pendant 15 ans, même si elle n'existe plus, on va continuer à la voir. Et cette illusion-là de la réalité permet quand même à nos pilotes d'avion, du moins ça l'a permis longtemps, et à nos marins, de trouver leur position exacte sur la planète Terre à partir d'une illusion. L'illusion est le ça de terrible, c'est que l'illusion, elle est réelle. Mais ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est l'interprétation la plus proche de la réalité. Donc, une vérité est sujette à changement. Quelqu'un qui a la vérité, sachez bien que la vérité qu'il a, c'est une interprétation plus ou moins proche de la réalité. Mais personne ne peut enseigner la réalité à personne. Alors, l'homme peut-il, l'humour peut-il être un moyen de fuir sa réalité? Oui. La réalité, non. De tourner en dérision plutôt que d'affronter la réalité, oui, mais comme je vous dis tout à l'heure, l'individu qui se sert de l'humour pour fuir sa réalité, ou encore le contingent d'événements et de stimuli qui l'entourent, lui en a une interprétation. Vous mangez un coup de poing dans le visage ou une claque. Je me lève en dansage, je vous dis quelqu'un, flore. Ben, votre cerveau vient d'enregistrer un stimuli électrique d'une claque. Donc, c'est une interprétation. Votre ego se sent touché. Et votre ego, c'est votre psychologie. Ben, croyez-moi, j'ai pas réussi à taper votre psychologie avec ma main physique. Mais je l'ai frappé pareil. Par interprétation, l'ego s'identifie au corps, il pense que lui a été agressé, et c'est lui qui va demander au corps d'entrer en bataille. Mais ce n'est que des interprétations. L'ego, en la réalité, n'a pas été frappé, mais lui, il croit que oui. Alors, la réalité, l'individu qui a un sens d'humour et qui ne fait rien sérieusement, c'est un individu qui se prend au sérieux. On a trois genres d'individus. Celui qui se prend au sérieux et qui n'est pas sérieux, celui qui est sérieux mais qui se prend au sérieux, donc qui est sujet à souffrance, et celui qui est sérieux et qui ne se prend pas au sérieux. Daniel, lorsque le Nazaréen, soit Jésus, a dit justement de présenter l'autre joue lorsque on le frappait, c'est-à-dire lorsque quelqu'un était frappé sur une joue. Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste? C'est une maudite bonne épreuve pour ton orgueil. La seule chose qu'il y a, c'est que si tu es complètement sans dessin, tu vas présenter ta joue continuellement jusqu'à temps que tu n'aies plus de joue à présenter parce qu'elle va être toute usée par l'érosion des claques de l'autre. Oui, mais bon. Oublie pas une chose, c'est qu'il n'a pas dit quoi faire après. Non. Il n'a pas dit quoi faire pendant non plus. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu as la patience. OK, puis il faut toujours regarder le contexte, c'est un contexte de cette époque-là, qui est toujours très valable aujourd'hui, c'est que si tu as la patience de manger une claque, de continuer quand même à discuter, à essayer d'harmoniser l'événement, de manger une autre claque, parce qu'il faut que tu saches aussi que l'individu qui t'attaque, il y a un problème. Donc, il cherche une solution à son problème. Ça peut être un défoulement, ça peut être se prouver qu'il est supérieur, ça peut être bien des choses. Bon, maintenant, quand on dit « tu manges une claque, tu présentes l'autre joue », ça veut simplement dire que tu te présentes tout le temps comme étant le dominateur de l'événement. Ça veut dire, tu domines l'événement. Parce que si moi je te donne une claque, c'est que j'ai de quoi me prouver. Si tu décides que tu présentes l'autre joue, donc tu veux m'expliquer par là que je suis ton maître, ben tu as de fortes chances que je te donne pas l'autre claque. Tu me manipules en maudit. Et si tu décides que tu te mets à broyer, ben non, supplier, ben non, tu simules un arrêt cardiaque ou une crise d'épilepsie, ben moi, dis franchement, c'est évident que je suis ton maître, mais tu me manipules en torieux, puis je te toucherai plus. Moi, je vais me sentir mal. Là, ça m'en revient dessus. Mais si tu veux donner un claque à l'autre, l'autre n'est pas l'autre, tu y prouves simplement que lui n'est pas ton maître, et puis là, tu continues à y aller, puis c'est juste des expressions de l'orgueil. Mais le fait, parce qu'il faut pas oublier que c'est parabolique, parce que tu rentres dans une taverne, puis il y a un gars qui est chaud qui commence à bûcher sur le monde. Crime, t'as même pas besoin d'étendre les deux joues, il va aller chercher. Tu restes pas là à rien faire. Nazaréen, quand il a mis un paquet de monde en dehors du temple, puis il veut dire franchement, il s'est passé bien d'autres choses qu'on compte pas dans la Bible, ben est-ce qu'il tendait l'autre joue? Est-ce qu'il s'est dit, ben m'a bâtir une autre église, puis ils iront mettre les animaux là, puis ils iront faire du charge, puis ils feront les sacrifices là? Il a pas attendu une autre église. Il a même pas attendu pantoute. Il est sorti dehors. Parce qu'il y a l'intelligence là-dedans. C'est une colère mentale, c'est pas une colère psychologique justement qui est faite là. Mais c'est bien important de savoir justement que si tu, par exemple, un exemple, comme le Nazaréen le dit avec, puis c'est la même chose qui est exprimée, si quelqu'un te force à faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000. Bien, c'est sûr que si le gars veut plus t'avoir, tu te bats pas pour continuer à marcher avec lui. Hein? Puis si le gars te demande ta veste, il donne ton manteau, mais si ton manteau il fait pas, donne-y pas. Bon. Et si t'as plus frais, tu peux mourir de froid, tu t'organises autrement. Il faut toujours, puis ça, c'est bien important, puis quand c'est spirituel, puis ça a été transcrit 84 ans après la mort du Nazaréen, enfin, je dis la mort après sa disparition, ce qui fait que ça a été transformé et interprété par l'Église, parce que sur plusieurs évangiles, on en a gardé 4, et on a commencé à les écrire 84 ans après, et 300 ans après, on a décidé que la Bible, c'était ça. Mais tous les évangiles apocryphes, ceux qu'on a refusés, on n'en parle pas. Puis tout ce qui n'a pas été écrit, on pense que ça n'a pas été vécu. Tu sais, Nazaréen, il est venu au monde, et coup, paf, il a eu 32 ans. Mais entre soi, il ne s'est jamais rien passé, il faut écrire nulle part. Alors, si tu calcules bien que tant une joue, si on te frappe une joue, tu prends l'autre, c'est que tu domines. Puis, on pourrait élaborer longtemps là-dessus. Disons que la semaine prochaine, on a une conférence, justement, sur les enseignements du Nazaréen. Tu es le maître de l'autre parce que tu comprends la psychologie de l'autre, donc l'astral, et parce que mentalement, pas parce que tu as peur que tu es non-violent, parce que tu peux le planter et que tu décides d'être non-violent, pas parce qu'il faut que tu sois non-violent, parce que tu peux lui montrer de quoi intelligemment et te sortir du pétrin sans gaspiller d'énergie que tu tends l'autre joue. Mais si l'autre joue, elle va se faire frapper par une massue, tu tends pas l'autre joue, tu tasses l'autre joue. J'aimerais que tu parles de l'humour dans l'amour, Lise. Donc, c'est pas tellement bon de rire en faisant l'amour. On peut rire avant ou après, mais pendant, mais, disons que ça... Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi pas. Ouais. Mais je vais vous expliquer pourquoi pas. Pas en détail. J'aurai pas le temps. La poupée peut encore sortir. Peux-tu... Bon, j'aimerais que tu parles de l'humour dans l'amour. Pourquoi pas d'humour dans l'amour? Enfin, pourquoi pas rire pendant qu'on fait l'amour? C'est simplement que vous pouvez tenter l'expérience, vous allez voir que j'ai raison quand je vous dis que quand on se met à rire, on transmet des énergies en une autre forme d'énergie. Non, non, mais c'est vrai. C'est une expérience vivante et évidente qui vous permet de transformer une énergie sexuelle, une énergie psychologique d'attraction, de tout ce que vous voudrez en une forme d'énergie qui n'exclut pas l'amour. Vous allez avoir du fun à deux si vous partez arrêter tous les deux. Mais pensez pas à faire un petit soir là. Vous concentrez en crime pour arrêter de rire d'abord. Bon, alors ce qui fait que l'humour transforme radicalement ces énergies-là. Prenez deux personnes qui, à un moment donné, viennent pour se battre, puis il y a quelque chose qui est presque comique. À un moment donné, il y en a un qui commence à rire un peu, l'autre part à rire, puis qu'est-ce qui se passe? La violence, la chicane, la haine, tout ça, ils partent à rire comme des fous, puis il n'y a rien à faire, c'est transmuté. Alors disons qu'on a fait, on ne rit pas pendant qu'on fait l'amour. Mais l'humour dans l'amour, disons qu'on peut... Ça, c'est une chose, disons que c'est une preuve que l'humour transmute des formes d'énergie, mais... Elle transmet aussi l'intelligence. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'individu qui fait rien sérieusement parce qu'il se prend trop sérieux, puis il se défend tout le temps, puis il essaie toujours de rire, ça transmet l'intelligence. Tu peux pas être brillant, tu peux rien apprendre si tu es tout le temps en train de faire des farces. Hein, t'es pas jamais sérieux. Tu te prends trop au sérieux, justement, puis tu veux te défendre. Au niveau, disons, de l'humour et de l'amour, c'est deux énergies qui ne sont pas du même ordre parce que l'humour est une transformation de l'énergie psychologique surtout et qui est inharmonieuse en rapport avec le mental ou le vital de l'homme. Et l'énergie sexuelle, c'est une énergie typiquement vitale. Donc, la vitalité, le corps vital en ésotérisme, c'est la vie dans les termes conventionnels. Et c'est aussi l'attraction qui va faire en sorte que tous les atomes et ce qui compose les atomes et les molécules d'une forme, d'un organisme matériel ou humain soit maintenu selon une forme. Il y a une mémoire dans le verre parce que le verre reste ce qu'il est. Quand la vie, et plus le corps vital est raffiné, donc élevé en vibration, donc évolué, plus il va permettre de choses. Il va pouvoir permettre une croissance. Et il va aussi pouvoir permettre l'animation, donc ce qui nous concerne nous autres, et une expression d'un des carrefours d'énergie, le premier à vouloir s'exprimer lorsque le système endocrinien va lui permettre, va être le carrefour au niveau des glandes sexuelles qui sont en relation avec la glande thyroïde, la glande hypophyse et la glande épiphyse, mais disons qu'on va oublier ça, parlons juste de la glande des organes sexuels. Et automatiquement, l'énergie vitale qui s'accumule dans une espèce de réservoir chez l'homme et chez la femme à un moment donné, va entraîner, parce que dans son code génétique, c'est prévu pour ça, on passera pas tout en détail, va entraîner l'idée de l'amour, c'est-à-dire la recherche par la psychologie de l'homme d'une continuité de plaisir. Parce que la psychologie de l'homme fuit la douleur et recherche le plaisir. Et l'illusion même de la psychologie de l'homme, ce qui va l'amener à la souffrance et au malheur, c'est qu'une fois qu'il a vécu quelque chose qui lui a plu à cet égo-là, il veut le continuer dans le temps, si possible, sinon il veut le revivre. Et quand l'énergie vitale, quand le carrefour au niveau du chakra sexuel est plein d'énergie vitale, normalement, une fois plein, il devrait rester plein et l'énergie va continuer à monter par des canaux d'énergie, dont là, les plus gros sont au niveau de la colonne vertébrale, pour remplir un autre carrefour d'énergie ou réservoir d'énergie, jusqu'à temps que tous les carrefours d'énergie soient suffisamment solides pour relaisser l'énergie vitale circuler. On en a déjà parlé. À ce moment-là, tu redeviens petit enfant, en ce sens que tes cellules ne vieillissent plus. Ils se régénèrent sans vieillissement, identiquement selon la cellule originelle, donc selon le code génétique. Ce qui va arriver, c'est que quand ce carrefour-là et ce réservoir-là, qui se trouve non pas au niveau du centre d'énergie, mais au niveau de glandes physiques, est plein, automatiquement ça déclenche dans la psychologie de l'homme l'idée qu'il est possible que lui revive une chose qu'il a aimée. Alors automatiquement, ça met en branle toute la mémoire psychologique en rapport à ça, et l'individu veut instinctivement, parce que dans le vital et dans le physique, on a comme conscience l'instinct, il veut procréer, mais lui, ce qu'il recherche surtout, c'est dans sa psychologie, la conscience astrale va rechercher la continuité ou la reproduction dans le temps du phénomène, du stimuli qui est l'orgasme ou qui est dépendant comment tu as pu aimer ça. Alors, ce qui fait que c'est une mauvaise expérience, le carrefour ne se videra pas de la même manière, ou tu vas devoir développer un nouveau phénomène qui pourrait aimer ça, sinon ben, tu peux rentrer frère ou père ou n'importe quoi, tu n'auras jamais de problème, ben non sœur. Alors, ce qui fait que l'énergie qui va travailler au niveau de l'amour, quand on parle, par exemple, l'amour sexuel, c'est de l'énergie vitale. Et quand on parle de l'humour, c'est de l'énergie astrale. Si on parle de l'amour psychologique, donc ce qui amène deux individus à vivre ensemble, alors c'est évident que l'humour, c'est quelque chose qui va éviter ben, les chicanes, qui va amener une relation beaucoup plus intime entre les deux individus qui participent à ce phénomène d'attraction-là. Excuse-moi, tu es le plus loin. Là. Moi, j'aimerais développer quelque chose. Mais ouais. Tantôt, tu as mentionné que lorsque la chaudière est pleine, l'individu est porté à le vider. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des vœux de chasteté et qui les ont tenus pour une bonne période de temps. Et puis, ce que tu as expliqué tantôt n'est pas nécessairement arrivé. Je pense que ça prend une sorte de contrôle pour faire monter l'énergie. Mais il faut aussi comprendre que le vœu de chasteté, premièrement, disons que c'est une stupidité. Non, mais je parle... Comme 100% en cas que tu aurais fait un vœu de chasteté. Tu aurais dû me le dire la semaine passée, je ne l'aurais pas fait. Le vœu de chasteté, quand je te dis que c'est une stupidité, c'est pas une stupidité, mais c'est une chose qui ne sert à rien. Non, mais je fais référence, aujourd'hui. Daniel, là, je reviens à ce que tu disais tantôt. Que lorsque... Combien ont fait le vœu de chasteté et qui ont réussi à être chaste totalement, intégralement, même caché tout seul dans une toilette ou en dessous d'un balcon ou dans leur... combien, ben ça, on le sait pas. Non, c'est pas... Puis combien aussi ont fait un vœu de chasteté et que la psychologie astrale n'a pas tout bouffé cette énergie-là, parce que l'orgasme, tu peux l'avoir physiquement, mais tu peux l'avoir aussi astralement. Tu peux l'avoir en rêve aussi. Oui, et cet orgasme-là en rêve épuise la même chose. Oui. OK? Mais alors, ce qui fait que le vœu de chasteté, disons que... Non, mais ça, à quoi je veux en venir, Daniel, c'est ceci, c'est que ça prend un contrôle pour faire monter cette énergie-là, un contrôle mental. Les castrateurs de Russie, qui est une société secrète, ont réglé le problème. Est-ce que ça prend un contrôle mental pour faire monter l'énergie? Pas chez l'homme présent. Chez l'homme, présentement, le réservoir se remplit, mais étant donné que l'homme est beaucoup plus attractif à l'énergie, parce que l'homme, génétiquement parlant, est beaucoup plus évolué, alors automatiquement, même un individu qui a une sexualité normale va remplir ses réservoirs autant qu'un individu qui aurait une chasteté totale pour 50 ans. Alors, c'est plus nécessaire. Par contre, les individus pouvant attirer plus d'énergie vitale au niveau de ce carrefour-là et de ce réservoir physique-là vont avoir tendance à avoir plus de relations sexuelles qu'on n'en a jamais eues. Parce que l'énergie est plus forte. Oui, vu que tu en as plus, tu en dépenses plus. Par contre, si tu essaies de régler ça normalement, tu vas aussi canaliser tes énergies ailleurs. Mais il y a une autre chose qui se passe aussi chez l'homme et chez la femme et qui est absolument différent de ce qui était là quelques dizaines ou même vingtaines d'années. C'est que l'énergie, tu l'attires non plus juste par le centre d'énergie ou le carrefour d'énergie sexuelle, mais par tous les centres d'énergie en même temps, dont surtout le centre qui est cardiaque, le centre au niveau de la gorge, la parole, le centre frontal, troisième œil, mais en réalité, c'est pas le troisième œil, ça veut dire que c'est un troisième œil, mais c'est pas le troisième œil, et le centre sexuel, ça va de soi. Alors, ce qui fait que l'individu, présentement, si l'énergie ne peut pas monter par en haut, il est suffisamment puissant pour qu'elle descende de haut en bas. Et c'est ce qui va se passer chez l'air, chez le début de la sixième race, sur ce qu'on, vers quoi on s'en va, et il y a plusieurs individus qui sont déjà en train de vivre cette expérience-là, où l'énergie ne monte plus selon, disons, l'idée Kundalini, le serpent qui monte le long de la colonne vertébrale pour atteindre le centre d'énergie au niveau de la tête. Aujourd'hui, c'est différent. L'énergie va partir d'en haut pour descendre chercher en bas ce qui ne veut pas monter. Alors, ce qui fait que là, le contrôle mental, c'est-à-dire que l'énergie au niveau du mental, là, ça a une certaine importance. Mais c'est pas nécessaire d'être conscient pour désirer avoir une relation sexuelle, mais c'est pas nécessaire non plus d'être conscient pour emmagasiner de l'énergie. Ça l'a jamais été, ça l'aidait quand ça l'était, mais c'était jamais nécessaire. Et aujourd'hui, c'est encore moins nécessaire. Par contre, au lieu d'avoir les problèmes d'un centre d'énergie qui est mal canalisé, ça aura les problèmes de 5 centres d'énergie mal canalisés. Donc, tu risques d'avoir plus de souffrance, plus de maladies de type physique, plus de pathologies qui vont se rapporter justement à des centres d'énergie qui sont mal focalisés, mal canalisés, ou encore qu'on épuise au fur et à mesure que ça rentre, ou qu'on bloque là parce qu'on veut pas l'émettre. Alors, il y a plusieurs mécanismes justement qui vont enclencher des maladies dans ta psychologie ou dans ton ordre vital, donc physique. OK, alors tu en étais rendu à l'humour pour éviter des chicanes. Bon. Je pense qu'on a l'humour parce qu'on se tirait nos poteaux par la tête. Ben, c'est ça. J'ai tout dit. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire, si tu ris, tu te chicanes pas, puis quand je te chicane, tu ris pas. Hein? Vous riez pas quand vous chicanez à vous tirer des assiettes? Bon, puis vous chicanez pas quand vous riez comme des fous? Oui, parce qu'on a parlé beaucoup de l'humour dans la sexualité, disons, pas comme tel, là, mais la relation qu'il pouvait y avoir, t'as expliqué ce qui se produisait au niveau énergétique, mais au niveau couple, t'en as parlé juste un petit peu peut-être. Bon, que tu ben pourrais... le couple, l'humour, c'est pas simplement en relation avec un couple, disons un homme, une femme, ou une femme et un homme. Hein? L'humour, c'est dans n'importe quel genre de relation. Quand deux égaux, quand t'approches un humain, t'approches de l'inconnu, en partant. Bon. Ta logique mentale ne peut pas se connaître l'humain, elle peut pas présentement, du moins, ça va se faire. Quand le mental va être personnalisé, c'est-à-dire pas quand c'est juste l'intellect, mais quand le mental devient complètement indépendant de ta psychologie. Bon, quand ton mental n'est plus teinté. Présentement, tu approches un être humain, tu approches de l'inconnu. Ce qui fait qu'en partant, son ego va devoir lutter contre ton ego. Veux, veux pas. Et c'est ça dans le couple qui a... vont comprendre plus avec une hache. Alors, ce qui arrive, c'est que les égos sont froissés. Et quand un égo est froissé, c'est que l'harmonie entre l'égo, le corps vital, le corps physique, ou l'égo, l'astral, et le corps mental vient d'être brisée. Parce qu'à la longue, ton vital s'habitue à ton égo. Mais si tu as des entrées d'informations régulières tous les jours qui te perturbent, tu gagnes à la loterie, tu perds à la loterie, tu te fais mettre à la porte, t'as un autre job, t'as un paquet de phénomènes continuellement qui te rendent triste, heureux, puis ça va pas, puis ça te m'enrogne, puis tu reviens. Ce qui fait continuellement ton ego est bouleversé. Très peu. On appelle ça un phénomène, disons, de stress. Et le stress, ben c'est quoi? C'est quand tu arrives à un état où tu es stressé, c'est-à-dire qu'il y en faut plus gros pour que ça casse. Quand tu prends un morceau de métal, puis que tu le plies, ben tu le stresses. Et quand il arrive à un état de stress suffisamment avancé, il brise. Et ce phénomène-là, le stress, c'est un mot qui était adopté par un ingénieur sur la matière, repris par après par la psychologie parce que ça définissait bien l'état de l'homme, parce que le stress, ça vient de la physique. Quand tu es stressé, c'est-à-dire que quand ton ego rencontre quelque chose qui peut le stresser, automatiquement, il y a des harmonies. L'humour réharmonise. Si tu rapproches, si tu t'approches d'un individu, tu as deux égaux qui se rapprochent, automatiquement, tu as des frictions, veux pas. Déjà, toi-même, avec toi-même, tu as des frictions, tu as des doutes, tu sais pas si tu dois y aller ou pas y aller, tu sais pas si tu dois l'acheter ou pas l'acheter, tu sais pas si c'est trop cher ou pas assez cher, tu sais pas si c'est la bonne couleur ou c'est pas la bonne couleur. Juste toi, tu es pogné avec toi. L'humour t'aide déjà, mais quand tu approches d'un autre individu, que ce soit dans un couple, là, c'est important. Pourquoi? Parce que au début, tu exprimes tout ton beau panache de mâle, puis son beau panache de femelle, puis ça va bien. Mais à un moment donné, ta queue, t'es tanné de la voile des airs. Là, je prends l'exemple des oiseaux, là, qui ont... Mais à un moment donné, ça tombe. Tu deviens un oiseau normal, puis le beau panache du fin, il est plus là. Ce qui fait que là, ça marche plus. Alors, à un moment donné, plus tu as tendance à rester avec quelqu'un, plus tu vas avoir tendance à le connaître, plus tu vas avoir tendance à le juger, plus les frictions, les petites frictions vont s'accumuler. S'il y a de l'humour là-dedans, toi, tu t'harmonises, l'autre s'harmonise, ce qui fait que la liaison entre les deux, elle est harmonieuse. Mais ça, dans un couple ou avec n'importe qui. Un patron qui peut rire avec ses employés à la condition qu'il y ait des employés sérieux. Pas qu'ils se prennent au sérieux. Qu'ils prennent avantage mais qu'ils sont sérieux. De la situation. Oui. Exactement comme tu donnes un cours à des enfants, tu peux faire quelques farces. Mais si tu n'es plus capable de les arrêter de rire une fois que tu as commencé, ils ne sont pas sérieux. Fait que tu es obligé de plus faire de farces. Ou tu leur enseignes à pouvoir faire des farces et à être capable d'être sérieux quand il faut. Alors, ce qui fait que l'humour, c'est absolument, c'est extraordinairement important dans n'importe quelle relation avec toi, avec ta propre conscientisation, avec n'importe quelle forme d'énergie inférieure ou supérieure, avec le diable, avec les fantômes, ou ben non, avec les dieux, ou avec n'importe quel être humain. C'est absolument important, c'est nécessaire, c'est salutaire, c'est vital, puis en plus, c'est drôle. Maintenant, c'est pas nécessaire de rire pour être humoristique. Non. Mais c'est nécessaire en crime, par exemple, de ne pas broyer. Oui, parce que tu as de l'humour intellectuel que des gens font continuellement. C'est oui, ce qui ressent à l'intérieur. Souvent, m'ont poussé des farces que je suis le seul à comprendre. Puis je pousse des farces avec moi-même, puis c'est comique au bout. De temps en temps, il y a un ou deux individus qui viennent de comprendre la farce. Mais tu sais, continuellement. Alors, ça paraît pas... Tout à l'heure, on parlait justement d'un autre conférencier à Montréal. Mais moi, franchement, c'est un clown. Mais non, il rit avec lui-même. Lui, il a du fun en masse. Puis il y a plein de personnages comme ça, des personnages politiques, etc., qui ont du fun en masse. Mais même toi, le gars qui fume pas, puis qui boit pas, puis qui est dépanneur, puis qui vend de la bière, des cigarettes, tout le monde, pense pas qu'il rit pas, lui. Il fait de l'argent, puis... Hein? S'il se prend au sérieux, il décide de convertir tout le monde, puis il fait faillite. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est niaiseux, mais c'est comme ça. J'ai le sens de l'humour, mais pas assez à mon avis. Comment dois-je faire pour en avoir davantage, Lise? Tout à l'heure, Lise, je disais que ça se développait. Premièrement, l'orgueil va donner un faciès à la forme physique. Donc, la psychologie va donner un visage à la forme physique. Puis on se demande, qu'est-ce que la psychologie vient foutre à dominer le corps physique pis donner l'impression qu'il est nerveux, hein? Parce que la psychologie est du domaine de la psychologie, le physique est du domaine du physique. Alors, ce qui va arriver, c'est que ça se développe, ça se cultive. Comment ça se cultive, comment ça se développe? Ben, évidemment, il faut que l'individu essaie de s'amuser. S'amuser, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, justement, commencer par trouver ça drôle, s'acheter un livre de Newfie s'il faut. Ça veut dire sortir pour aller dans des endroits où ce que le monde rit. Ça veut dire que toi, tu as trouvé ça plate à la mort. Ça veut dire que tu as t'ennuyé comme un maudit. Mais si tu t'observes là-dedans, tu vas te regarder dans un miroir pendant qu'il y a un party, là, puis tu te regardes. Et maintenant, tu as commencé à trouver ça drôle. Oh, tu ris pas avec personne! Mais lentement, tu vas cultiver chez toi le sens de l'humour qui va faire en sorte que tu vas rire de toi, donc qui va faire en sorte que tu vas de moins en moins te prendre au sérieux, mais tu vas être capable sérieusement de rire. Alors, disons que ça se cultive, il y a des cours complets qui se donnent justement sur l'humour, parce que tu as même la guérison par le rire, guérir par le rire. Mais c'est une chose qu'il faut absolument pratiquer, puis comment? Ben c'est ça, il faut simplement s'arranger pour être dans des endroits où on est susceptible d'être amené à rire. Alors, c'est évident que tu vas voir Yvon Deschamps, tu le trouves plate, il commence son monologue, tu commences à te chatouiller sous les bras. Tu vas finir par partir à rire. C'est niaiseux, mais c'est à un moment donné, tu finis par développer le rire. Puis ce qui est amusant, c'est que vous allez finir par aimer ça, le rire, et aimant ça, le rire, votre psychologie astrale, qui, elle, recherche toujours à répéter des phénomènes qu'elle a appréciés, va finir par vous autoriser à porter un faciès souriant et à rire. Ça, c'est important. L'orgueil va permettre que vous puissiez rire. Dans un public ou n'importe où. T'es dans un ascenseur, il y a quelqu'un qui pousse une petite farce à l'autre, c'est drôle. Deux, tu ris pas. Tu ris en dedans, mais tu t'organises pas trop pareil. Oui, non, tu pourras rire. Moi, j'étais jeune, je faisais des insolences au téléphone avec mon chum, pour on enregistrait tout ça. Et à un moment donné, j'appelle un gars, puis tout ce que je voulais faire, je disais, bon, je m'ennuie à soi, puis j'ai une maudite bonne farce à compter, puis j'ai personne pour la compter. Fait, j'ai choisi un numéro dans le bottin, puis je t'appelle pour compter ma farce. Le gars a dit « Ah ben, vas-y, compte-la, c'est bonne. » Tu sais, mais le gars avait le sens de l'humour. Fait que là, j'y compte ma farce, elle était bonne. Fait que le gars dit « Toi, au cloche, c'est bon à créer, mais si tu viens l'autre de même, garde mon numéro puis tu me rappelleras. » Tu sais, ça a l'air bien niaiseux, mais le gars, lui, c'était un appel. Non, puis le gars a du fun avec moi. Il aurait pu prendre une autre tangente. Oui, on raccrochait tout se mettre à sacrer, puis... Mais c'est un gars comique. Un jour, j'appelle, puis je suis tombé sur Michel Noël, Capitaine Bonhomme. Mais j'avais à peu près 10 ans, hein, faut dire, je l'ai reconnu. Je demande, « Monsieur, est-ce que vous avez un poêle? » Il dit, « Oui. » »« Est-ce qu'il marche? » Il dit, « Oui. » Je courais après, il s'en va. Là, il me dit, « Ah, il vient de frapper mon frigidaire. Là, je peux vous tenir la ligne un petit peu. » Il dit, « Certainement. » Fait que là... Je compte ça à mon chum, pis là j'en reviens, pis ça monte-tu? Fait qu'il dit, ben oui, ben c'est ça, ça fait deux minutes que je te tiens au bout de la ligne, fait que j'ai au moins un poisson. Et ça, c'était Michel Noël. Mais lui, il a le sens de l'humour. Ce qui fait que n'importe quand, c'est toujours drôle. Mais il est sérieux en crime quand il fait de quoi? Préparer un monologue, faire rire du monde, faut que tu sois sérieux en tabarnouche. Mais faut pas que tu te prennes au sérieux. Fait que si tu manques ton coup sur la scène, c'est comique en mort, tu pourras rire, le monde part tout à rire. Pis c'est amusant. Ben... L'humour, ça se cultive, ça se développe. Comment? Ben c'est ça. Tu t'arranges pour aller dans des endroits où tu peux rire, ou d'acheter des livres drôles, ou d'aller voir des films comiques, puis tu t'organises pour avoir du fun. Premièrement, t'es toi avec du monde qui a du fun. Tu sais, un paquet de croque-morts, ben ils vont rire seulement s'ils ont des morts enterrés, peut-être. Bon. Tu tiens avec du monde qui, déjà partant, sont sujets à vous amener à rire. Qui se ressemble. Oui. Mais qui sont sujets à vous amener à rire, je vous parle pas d'un clown qui est pas sérieux pantoute. Je vous parle d'une personne qui peut être très sérieux, mais qui a de l'humour. Fait que tu sais que si tu vas voir un film drôle avec, que t'es sûr d'avoir du fun. Puis quand tu sors de là, ben ils avaient du fun. T'apprends à t'amuser. Ça, c'est extrêmement important. Il y a pas un seul... Tu sais, les enfants de l'ère du Verseau, c'est du monde qui va avoir du fun. Ceux qui vont vivre dans l'ère du Verseau, ce sont pas des platitudes divines. Ça va être du monde qui va avoir du fun. Qui vont être capables de jouer au soccer, de perdre et de rire comme des fous, de courir sans farger à terre puis trouver ça comique. Qui vont être capables de vouloir améliorer leurs conditions parce que c'est comique, tu sais, on est plate, on est niaiseux puis tu trouves ça comique en mort. C'est du monde qui va avoir du fun puis qui vont rire tout le temps. Attendez de voir les conférences dans l'an 2000. Allez voir que ça va rire en crime. Va-tu avoir des petites vaches? Vaches, je sais pas. Daniel, tantôt, t'as parlé de... T'as donné un exemple, t'en donnes beaucoup, naturellement, mais t'as donné l'exemple que quelqu'un qui arrive devant un fantôme, puis qu'il regarde ça, ça se sent suspect dans l'appartement, puis il le regarde, puis il se marie. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui des sciences ésotériques, on est obligé d'être d'accord avec ça. Mais qui, à part les initiés, les grands initiés, peut regarder un fantôme, puis se mettre à rire? Mais moi, le rire dont tu parles, là, moi, quand ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé à un moment donné plusieurs fois que j'ai déjà eu des choses apparaître dans ma chambre quand j'étais jeune. Mais j'étais pas initié. Ça sentait bizarre. Mais je me suis rendu compte juste quand après que ça sentait bizarre, je commençais à avoir peur que c'est moi qui ai pété. Fait que vois-tu, tu fais concurrence au fantôme. Dans l'odeur. Mais c'est juste des niaiseries. Mais c'est des réflexes normaux chez toi qui finissent par t'amener à voir des choses. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? C'est sûr que si tu vois une affaire que tu ne connais pas devant toi, tu sais, si t'es normal, t'as peur. Fait que la première fois que tu te promènes dans la brousse, tu tombes avec un rhinocéros que tu n'as jamais entendu parler, t'as peur. Et si t'as pas peur, ben t'aurais mal. Parce que, en tout cas, à moins que tu t'autres de là, mais je veux dire, tu sais, bon. Tu vois quelque chose de neuf, t'as peur, parce que ta psychologie ne sait pas c'est quoi, ou elle le sait tout croche, ce qui fait qu'en partant, elle a peur. Un fantôme, c'est quoi? C'est rien de bien traumatisant, un fantôme. Un fantôme, c'est simplement une relique mémorielle d'un individu qui est mort ou d'une densification, disons, forcée d'un individu qui est en extraconscientisation astrale, donc en voyage astral, disons. OK? Mais parlons des fantômes morts. C'est une mémoire qui apparaît devant toi qui, il y a des phénomènes à un moment donné, soit de ton attraction, de tes lectures, soit des phénomènes atmosphériques, des phénomènes astral-sphériques, on pourrait même dire, qui vont permettre la densification à un moment donné d'une certaine forme mémorielle. Alors, ça crée un fantôme. Maintenant, c'est pas couvert d'un grand drap, des chaînes, ça fait ouh. Ça fait ouh, mais ça n'a pas de chaîne puis de drap. Par contre, ce qui est amusant, c'est que ça apparaît, tu sens de la chaleur, etc. Ceux qui ont voulu toucher se sont rendus compte qu'ils passaient à travers, mais qu'il y avait des sensations de brûlure. C'est normal. L'énergie astrale, elle est très proche de l'énergie du feu, de l'énergie électrique. Alors, c'est sûr que si elle se densifie, ben, tu peux mettre ta main dans le feu, ta main pas là-dedans non plus. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'homme? Tu pars à rire, puis dans la psychologie même de l'astral, normalement, toi, tu devrais réagir selon un stéréotype qui est enregistré dans les mémoires de l'astral. Autrement dit, tu devrais avoir peur. Un astral, un fantôme qui se densifie devant toi, c'est pour te faire peur. Faut pas vous attendre de voir apparaître un grand maître, là, style fantomatique, qui vient vous dire des vérités. Il peut vous dire des mots d'une vraie vérité. Il peut, après ça, vous envoyer vous suicider aussi. Bon. Alors, ce qui fait qu'il n'y a aucun maître, il n'y a aucune forme d'énergie intelligente qui va apparaître sous forme de fantôme pour venir te parler. Ça te parle dans ta tête, ça te parle sous forme d'un individu, mais ça ne te parle pas sous forme de fantôme. Dans la mémoire astrale, oui, tu as des choses qui sont bonnes, mais en partant, si tu es manipulé de cette manière-là, c'est des choses qui sont des conneries. Alors, si tu lui offres à boire, ben déjà en partant, ton fantôme, il ne sait plus ce qu'il fait là. Pas dangereux. Ça ne peut rien faire à l'homme, sauf. Puis là, ça peut faire mal en maudit à l'homme, ça peut le posséder, ça peut même aller jusqu'à le tuer, sauf si tu as peur. Si tu as peur, tu rabaisses ton taux vibratoire, astral, tu te rapproches de son niveau à lui, donc étant proche du même niveau vibratoire, son astral peut intimider le tien, donc toi. La forme fantomatique peut être en contact, donc elle peut te posséder, elle peut te manipuler, elle peut te faire immensément de fait de deux choses, mais si tu n'as pas peur, deux manières de ne pas avoir peur, être sûr de toi ou avoir de l'humour. Être sûr de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le maître de l'astral, tu connais l'astral, ce qui fait que le fantôme arrive en avant, tu lui demandes quelle heure qu'il est, donne l'heure, tu lui demandes de s'en être, tu n'as plus besoin de lui, ou encore tu lui demandes si tu peux aller chercher le journal, quelque chose de même. Tu es le maître de l'astral, il n'ira pas chercher le journal, ça va toi, mais il va aller faire peur à quelqu'un d'autre. Il va aller hanter un autre lieu. Qu'est-ce que c'est connaître l'astral ou être maître du phénomène? Oui. Est-ce que tu peux faire peur au fantôme? Ben, c'est évident. Le fantôme est typiquement astral, donc psychologique. Lui vient pour te faire peur. Si t'as pas peur, c'est ton dans le visage, comme n'importe quel individu, et il a bien plus peur. Parce que vois-tu, c'est pas la force, même si le fantôme aurait des pouvoirs terribles. Le fantôme, il est astral. Il n'y a aucun fantôme. Le fantôme physique, c'est un être vivant. Le fantôme vital, il appartient à un corps physique, donc c'est un être vivant. Ou un zombie, si tu veux. Le fantôme astral, c'est un fantôme comme on le connaît. De mental, il n'y en a pas. Bon. Alors, ce qui fait que le fantôme, il est psychologique, celui qui vient de voir qui n'a pas de corps. Étant psychologique, automatiquement, il est sujet à tous les mécanismes de la psychologie humaine. Il est astral. Donc, il est sujet à avoir peur. Il est sujet à bien des choses. Même s'il y aurait les pouvoirs que tu voudras, il va avoir, si toi, tu es capable de dominer son astral à lui, donc de lui faire peur. T'as-tu déjà essayé de prendre la patte d'un cheval, puis de la lever, puis de te gratter l'oreille avec, puis de la remettre à terre? Il veut-tu? Non. Non. Un cheval, c'est combien de fois plus fort que toi? Un éléphant, c'est combien de fois plus fort que toi? Mais leur astral est tellement minuscule que tu es capable de faire « wow » à un cheval puis il va arrêter. Tu es capable de dresser un éléphant pour qu'il lève les billes de bois, qu'il bouffe quand ça te tente, qu'il te transporte, qu'il se mette à genoux, qu'il se lave quand ça te plaît, que tu grimpes ses défenses sur l'oreille, que tu montes en haut, puis il pourrait t'écraser comme. Mais son astral est tellement inférieur au tien que ton astral le domine. T'as peur d'une vache, la vache, tu ne pourras pas attraire. Je sais que je l'ai appris par expérience. De toute façon, on s'est mis deux pour la traire. On a réussi à y faire peur. Puis après ça, la vache, elle nous respectait, c'est-à-dire qu'elle ne venait plus nous mordre, elle ne donnait plus de coups de patte sur notre chaudière de lait, qui a renversé à terre, puis etc. Puis elle se retenait aussi un peu. Bon. Alors, ce qui fait que l'astral... Non, c'est vrai. L'astral, c'est quelque chose qui se manipule. Un individu, qui soit fantomatique ou qui soit réel, un gros bonhomme, 6 pieds 8, là, 350 livres, corps arrière de football et ancien boxeur, il vient pour t'accrocher dans un coin. Pourquoi que toi, t'es capable de le maîtriser hein, quand il parle? Hein? Pourquoi que c'est le summum des arts de combat, la parole? Parce que ton astral, ce que tu exprimes, va maîtriser l'astral de l'autre, donc l'autre va te respecter ou va avoir peur de toi. Mais si t'es intelligent, t'organises pour qu'il y ait trop peur, parce qu'il y a trop peur, il peut finir par vouloir éliminer ce qui fait peur. Comme les animaux ou comme les hommes. Alors, ce qui fait qu'il va te respecter. Le fantôme qui se présente devant toi, si tu ris en partant, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas d'emprise sur toi. Pourquoi rire? Parce que c'est pas dangereux, sauf si t'as peur. Mais qu'est-ce qui est pas dangereux quand t'as peur? Tout est dangereux quand t'as peur. Je t'arrête ici, là. Si tu ris, puis tu ris nerveusement... Non, tu exprimes la peur. À ce moment-là, tu exprimes la peur. Alors, oui. C'est pas nécessairement en rien. Parle d'humour, mais c'est l'humour en... t'exprime pas la peur. Quand c'est tu en faisant ressortir la non... l'état de non-peur que tu as à l'intérieur de toi. En transfigurant ta peur sous forme d'humour. Ou sous n'importe quelle forme. C'est ça. Autrement dit, il arrive, puis il fait « Ouh! » Regarde ta mort. Tu t'es en retard, hein? Ça a l'air niaiseux. Mais c'est plein de phénomènes dans le genre. Mais l'être humain le fait pas. Tu vas voir, disons par exemple, que tu verrais un loup-garou. Phénomène qui a déjà existé sur la Terre puis qui existe encore dans certains bas-fonds. Un loup-garou, c'est une forme humaine mi-loup, mi-homme, qui apparaît dans ta fenêtre de chambre, dans ton chalet, en plein milieu du bois. Puis qui a les grosses dents. Tu te places en avant, bien collé ça vite, puis tu fais la même affaire. Ton loup-garou, il va aller hanter une autre place. Parce que ces êtres-là ont bien plus peur que l'homme va avoir peur si l'homme n'a pas peur. Ben, ils ont pas ils ont une certaine matérialisation d'énergie, mais qui n'est pas complète, comme tu dis. C'est jamais penser. Aussi fort que l'homme. C'est ça. Tous les animaux sur la Terre ont peur de l'homme, et l'homme a peur du loup. Ici, au Québec, les hommes ont souvent eu peur du loup. Tu vas camper dans le bois pis t'entends des hurlements de loup, ça fait peur. Ben, plus qu'un orignal qui va passer ou un chevreuil. Mais le loup a comme première caractéristique que c'est l'animal qui a le plus peur de l'homme. C'est l'animal qui a une peur panique de l'homme. C'est pour ça qu'il se groupe, d'ailleurs. Oui. Puis avant qu'un loup attaque des hommes, il va falloir qu'il y ait un loup là-dedans qui ait connu l'homme, qu'il y ait un chien sauvage dedans, ou qu'il se passe réellement un phénomène, parce que toi, tu es tellement minuscule en tant qu'homme que les loups vont vouloir. Ils ont une peur morbide de l'homme. Si tu es trop soluette, ils peuvent t'attaquer. Mais tu auras un paquet de loups qui s'en vient, puis tu te lèves... Tu prends un morceau de bois, puis tu te mets à crier, puis tu décides de tu sautes pas dans le paquet de loups, là, quand même, là. Parce qu'avant qu'ils sautent, il y en a quelques-uns qui vont te donner un petit coup de dent. Mais il y a des phénomènes, j'ai campé en masse de fois pour savoir qu'est-ce que ça donne, rencontrer des animaux sauvages. Puis l'animal sauvage est inférieur à l'homme dans son astral. Le fantôme, il est bien plus inférieur parce qu'il y a une dépendance terrible de l'être humain tant que sa mémoire est pas digérée par l'astral planétaire. Parce qu'à un moment donné, le fantôme est digéré par la mémoire planétaire, ce qui fait que le fantôme disparaît. Hein? T'as un château, il est hanté pendant 100 ans, 150 ans, à un moment donné, le fantôme disparaît. Il peut pas rester là, ad vitam aeternam. Il va être dissous. Mais plus il y a un enfer dur à passer, plus il va être proche de la matière, plus il va vivre dans l'endroit où il a vécu, l'endroit qu'il a pas voulu quitter, mais étant astral, il pourra pas toucher à l'endroit. Donc, automatiquement, il va être... manipulé, et il va rester dans cet enfer-là jusqu'à temps qu'il disparaisse. Alors, si tu regardes, ouais, c'est un beau fantôme, justement. Si tu regardes l'histoire même de ton fantôme, qui est juste une mémoire non dangereuse tant que l'homme le domine, puis l'homme domine quoi? Rencontre un chien qui sort les dents puis tout ça, tant qu'il n'y a pas de symptômes vitaux ou physiques, ce chien-là, tu peux le manipuler comme tu veux à part la psychologie. Si tu as peur, il sait. Si tu n'as pas peur, il sait. Quand je te parle, si le chien n'a pas de symptômes psychologiques, essaye pas de dominer un chien par ta psychologie si le chien a la rage. Parce que là, le chien, c'est pas sa psychologie qui l'amène à t'attaquer, c'est un symptôme physique qui détruit son cerveau. Si tu connais des animaux, à ce moment-là, tu peux détecter qu'il y a la rage. Mais tout ça revient encore à la même chose, Daniel. Dans la conscientisation, ça vient tout, mais tout revient au taux vibratoire, en quelque sorte. Parce que c'est le taux vibratoire de l'humain qui va passer à côté du chien. S'il n'a absolument pas peur, que ce soit n'importe quel chien dressé de quelque façon. Plus ta psychologie, elle est haute, donc disons, plus tu es évolué dans ton astral, plus ta vibration astrale elle est supérieure, donc tu fais partie de l'astral spirituel au lieu de faire partie de l'astral matériel. Et automatiquement, n'importe quelle forme d'astralité qui est inférieure à la tienne, tu la contrôles. Tu rentres dans un camp de nazis. Tu as plein de juifs qui vont passer à l'extermination et toi, tu es supérieur. Tu regardes un soldat allemand puis tu lui dis, je m'en vais, ouvre-moi la porte. Or, lui, il s'en va, il t'ouvre la porte. Tu dis bye, il dit bye, puis tu t'en vas. Parce que ta psychologie, la force que tu accumules à l'intérieur de ça, va dominer facilement n'importe quel genre de psychologie plus basse. Mais la peur est ce qui va, et c'est l'apanage de l'astral de se servir de la peur, c'est ce qui va diminuer ton taux psychologique, donc ton taux astral en vibration, ce qui fait que tu domines toujours par la peur. Tu peux pas dominer autrement. Parce que si tu ne domines pas par la peur, comme présentement au Québec, il y a des phénomènes de domination, tu en as partout sur la Terre, mais où il n'y a pas la peur, le mental évolue, le mental découvre la domination, on est obligé de transformer la domination. Parce qu'un peuple qui comprend pas, c'est un peuple qui se contrôle. Un peuple qui commence à réfléchir, c'est un peuple qui se contrôle plus par la masse dominante. Par contre, si tu vas dans certains autres pays, alors là, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas à réfléchir, puis tu n'as même pas besoin de péter quand c'est pas le temps, parce que tu payes pour. Alors, on domine par la peur. La peur rabaisse le taux vibratoire des psychologies, ce qui fait que psychologiquement, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que 300 soldats allemands pouvaient contenir 2000 juifs, puis toutes les tuer un après l'autre dans un four crématoire, parce que les 2000 juifs ont jamais pensé qu'ils pourraient écraser 200 soldats allemands. Parce qu'eux autres avaient la peur avec eux autres, ce qui fait que la psychologie astrale des 200 militaires allemands, qui ne voulaient pas tuer personne parce qu'ils étaient là ben, ben de force, ben leur uniforme, leur apprentissage, les grégores qu'ils avaient, les symboles pour attirer les égrégores astro, dominaient amplement tous les juifs tout nus dans le camp. Mais on a vu quelques-uns de ces Juifs qui avaient une volonté de faire, une volonté de chien, si tu veux, qui ont passé à travers d'une façon absolument extraordinaire. Si on prend Martin Gray, par exemple, il y avait tellement ancré dans lui... Mais il y avait justement un astral supérieur. Le vouloir vivre. Et quand on parle de vivre, la vie, c'est supérieur. Il s'en allait, puis seulement qu'à regarder dans les yeux un soldat à l'occasion, bien, il y avait une faveur de ce soldat. Martin Gray, c'est un gars qui avait de l'humour. Oui. À ce moment-là. Il n'y aurait pas passé bien, bien loin sans ça. C'est dur de rire dans un camp de concentration, mais il y a des affaires drôles en crime là-dedans. Sauf que l'individu qui s'attache une importance à lui, puis qui essaie de. Qui comprend plus, à un moment donné, il finit par avoir peur, il rabaisse son taux vibratoire astral, donc il se déconnecte de son mental, ce qui fait qu'il ne peut plus réfléchir, il ne peut plus comprendre, il fait juste faire tout ce qu'on lui dit. Lève-toi, il se lève, tasse-toi, il se tasse, va-t'en là, parfait, on va venir tout de suite à l'heure, c'est correct. Tu t'en vas, tu vas dîner, tu reviens, t'es encore là, tu l'enterres. Il n'y a rien à faire. Son taux vibratoire astral est tellement bas et rabaissé par la vibration de la peur qu'il est même déconnecté de son phénomène mental, ce qui fait qu'il ne peut même plus penser à se sauver. On devrait s'évader. Ah, oh, ça ne va servir à rien. Bon, on devrait... Ah, oh, non, non, non, non. Puis ils ne veulent rien savoir. Ils sont là, puis ils attendent. Ils sont là, puis ils ne savent pas, puis il n'y a plus rien. Ils sont des animaux. Ils sont même plus beaux que l'animal parce qu'ils n'ont même plus l'instinct. Parce que 200 hommes, même armés de fusils, contiendront pas 2000 loups dans une clôture. Il va falloir qu'ils soient loin de la clôture en crime. Ils pourront pas les pousser dans un four crématoire, dans une chambre à gaz. Quand les loups vont commencer à savoir, c'est pas 200 qui vont pousser les loups là-dedans, il va falloir du monde en crime. Parce que les loups vont gruger clôture. Les loups vont se piler un sur les autres pour traverser clôture. Ils vont tous pogner des barbelés, ça va faire un pont, les autres vont passer par-dessus. Mais pas les êtres humains. À ce moment-là, ce qui se produit, c'est que le phénomène de la peur chez l'animal engendre un autre phénomène. L'instinct de survie. Parce qu'il n'a pas d'astral suffisant pour dominer l'instinct de survie, mais l'astral de l'homme, par la peur, va éteindre tous les feux qu'il y a en lui, y compris les feux supérieurs, alors ce qui fait qu'il s'écrase complètement et qu'il fait absolument plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Puis tu vois pas ça juste dans les camps de concentration. Tu vois ça chez bien des individus dans notre société qui sont bien convaincus qu'il n'y a plus rien à faire. Des phénomènes psychologiques, là, faut dire qu'ils ont besoin de traitements psychiatriques ou psychologiques. Mais c'est des individus parfaitement normaux qui, dans 6 mois, vont être totalement redevenus normaux. Mais pendant ce temps-là, oh, il est suicide, pas suicide, ça, il n'y a plus rien qui va à peine. Il n'y a plus rien. Parce que ce qui s'est passé dans ta vie, tu viens de, t'avais toi en compagnie, tu viens des perdre, ou tu viens de perdre ta blonde, ou tu viens de perdre ton chat, dépendant toujours des importances où c'est que tu les places. Mais il n'y a plus rien à faire. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est pas un animal, ça, qui pense ça. Quelques rares animaux, disons, puis eux autres, ils ont un astral assez supérieur, comparativement aux animaux, un astral qui se rapproche de celui de l'homme. Mais c'est pas animal, ça. C'est typiquement humain, le fait de plus vouloir vivre. Le lièvre, il sort de son terrier, il va bouffer, puis il rentre dans son terrier. Tout s'ouvrait sa plate en maudit. Mais toi, tu sors de chez vous, tu travailles, tu rentres chez vous. Est-ce qu'on pourrait dire, Daniel, lorsqu'on étudie les animaux, que le règne animal a atteint son apogée? Non. Non. Le règne animal n'a pas atteint son apogée parce que les vibrations de l'homme qui sont en train d'être augmentées par le contact avec l'énergie supramentale va augmenter les vibrations planétaires, ce qui va permettre à tous les continents de pouvoir augmenter leurs vibrations plus lentement, ça va de soi, que les continents qui sont, disons, les premiers. Et ça va évidemment changer tout ce qui a rapport aux animaux. C'est-à-dire que les animaux vont devenir extrêmement différents. Les animaux vont devenir beaucoup plus dociles. Une expérience qui a été vécue, puis qui a été vécue par plusieurs, disons, initiés, c'est le fait que si tu vas dans le bois, puis tu te couches, les animaux vont venir te voir. Il n'y a aucun danger. Les animaux complets sont transformés par cette énergie-là. Et toute la race animale de A à Z va être transformée. Et il y a une chose, disons, qui peut paraître assez suspecte, mais les animaux carnivores, lentement, par mutation génétique, vont aussi transformer leur régime d'une façon herbivore. Et ça, c'est pas tout de suite, ça va de soi. Mais à un moment donné, tu n'auras plus de carnassiers non plus, tu vas avoir que des herbivores. Et puis, parce que le règne végétal, ça n'a aucun rapport au niveau psychologique, au niveau astral, au niveau karmique avec le règne animal. Alors, disons que présentement, les choses sont comme elles sont parce que les énergies, suite à des conflits qu'on a eus il y a bien longtemps, ont permis la création d'animaux carnassiers avec des égos plus forts. Parce qu'imagine-toi bien que l'animal qui évolue le plus, c'est l'animal carnivore. C'est l'animal qui mange de la viande qui évolue le plus. Jusqu'à un certain stage où tu dois éliminer les énergies qui t'ont permis d'arriver où ce que tu es, tu vas rester ce que tu es. Pour attirer une énergie supérieure. Est-ce que ça serait parce que c'est ça qui favorise plus la viande, une densité d'un corps astral? Ça favorise la densité du corps physique, ça favorise la densité du corps vital, ça favorise la densité du corps astral. Et surtout, ça te permet, toi, en mangeant un animal, ou l'animal en mangeant un animal, ça lui permet à lui de pouvoir, par absorption d'énergie vitale, on peut appeler ça le prana chez les hindous, par absorption, si moi je mange la viande rouge, je mange donc le sang qui a imbibé la viande rouge, et le sang est le contact réel entre la psychologie astrale, donc ton âme, et le corps. Le siège de l'astral va être relégué au niveau du cerveau, dans la région du thalamus et de l'hypothalamus, mais ce qui permet... Et ça, c'est important, la circulation complète de l'énergie astrale va se faire par l'intermédiaire du sang, en plus de l'énergie vitale et en plus de l'énergie matérielle sous forme d'oxygène, par le sang. Ce qui fait qu'en mangeant des animaux violents, en mangeant le cœur, en mangeant le foie, en mangeant ce qui va regorger le plus de sang, la rate, ben automatiquement, tu arrives à accepter, à prendre, tu évolues parce que tu vas prendre l'expérience de l'autre. Tu ramasses le karma de ce que tu bouffes. Par contre, tu ramasses aussi la connaissance. Tu ne l'as pas immédiate, mais tu évolues. Ce qui fait que l'homme a dû manger de la viande et l'homme a dû se manger lui-même pour pouvoir en arriver là où il est rendu. Et maintenant qu'il est rendu là, il va devoir redevenir végétarien. Or, du boudin, non, parce que tu quittes dedans et plus dedans. Mais du bon sang, quand tu tues un animal, tu bouffes le sang direct. Hein?